troisième partie du 12e chapitre. Près d'une de ces tours s'étend un lac artificiel où un canal amène l'eau du Gange. La tradition rapporte, au sujet des tours et du lac, une légende assez plaisante. Dans les temps les plus reculés, ces lieux étaient habités par trois frères géants qui firent élever ces constructions et creuser le lac. Tout ce travail s'acheva en un jour. Mais il faut savoir qu'un jour de ce temps valait deux de nos années. Les géants étaient si grands, fait rendu très vraisemblable par les petites dimensions des tours et des appartements, qu'ils pouvaient d'une seule enjambée passer d'une tour à l'autre. Ils avaient fait construire ces tours l'une près de l'autre parce qu'ils s'aimaient beaucoup et qu'ils tenaient à se voir à tout instant. Ce qui ne m'intéressa pas moins que ces tours et leur curieuse histoire, ce furent quelques plantations d'indigo établies dans le voisinage. C'étaient les premières que j'eusse occasion de voir. L'indigotier est un arbuste de 50 cm à 1 mètre de haut, à petites feuilles délicates d'un vert bleu. La récolte d'indigo se fait d'ordinaire au mois d'août. La plante est coupée assez près du tronc, liée en fascicules et placée dans de grandes tonnes en bois. On recouvre l'indigo de plants chargés de grosses pierres et on verse de l'eau par-dessus. C'est là le moment critique de l'opération, car il faut que la fermentation ne soit ni trop longue ni trop courte. Quand l'eau prend une couleur vert foncé, on la fait couler dans d'autres cuves de bois. On y mêle de la chaux et on l'agite avec des pelles de bois jusqu'à ce qu'on obtienne un précipité bleu. Puis on laisse déposer la masse et on fait écouler l'eau. La substance qui reste au fond, c'est-à-dire l'indigo, est mise dans des sacs de lin à travers lesquels l'eau dégoutte entièrement. Dès que l'indigo est sec et durci, on le casse par morceaux et on l'emballe. Peu de temps avant mon départ, et grâce à l'entremise de mon compagnon, Monsieur Lowe, j'eus le plaisir d'être présenté au Raja de Bénarès. Il demeure dans la citadelle de Ramnagur, située sur la rive gauche du Gange, au-dessus de la ville. Au bord du Gange nous attendait un bateau magnifiquement orné. Sur la rive opposée, un palanquin. Bientôt, nous nous trouvâmes à l'entrée du palais, dont le portail était haut et majestueux. J'espérais être surprise à l'intérieur par l'aspect de grands péristyles, de belles constructions. Mais je ne vis que des cours irrégulières et de petits édifices sans symétrie, sans goût et sans luxe. Dans une des cours, il y avait au rez-de-chaussée un simple péristyle qui servait de salle de réception. Il était encombré de meubles d'Europe, de lustres et de lampes. Au mur étaient pendus de misérables tableaux encadrés. La cour fourmillait de serviteurs qui nous regardaient avec une grande attention. En ce moment parut le prince, accompagné de son frère, de quelques personnes de sa suite et de quelques domestiques qui se distinguaient à peine des autres. Les deux princes étaient très richement vêtus. Ils avaient de longs pantalons, de longs vêtements de dessous avec de courtes robes par-dessus, le tout en satin brodé d'or. L'aîné, qui avait 35 ans, portait une petite toque en soie brodée d'or avec une garniture de diamants. Il avait au doigt quelques grosses bagues en brillant. Ses souliers en soie étaient surchargés de belles broderies d'or. Son jeune frère, jeune homme de 19 ans, qu'il avait adopté, portait un turban blanc avec une superbe agrafe de diamants et de perles. Aux oreilles, il avait de grands pendants de perles et autour des poignets, de riches et lourds bracelets. Note : lorsqu'un hindou n'a pas de fils, il adopte un de ses parents pour avoir, lors de ses funérailles, quelqu'un qui remplisse envers lui les devoirs d'un fils. Fin de note. L'aîné des deux princes était un bel homme dont la physionomie dénotait de la bonté et de l'esprit. Le cadet me plut bien moins. À peine eûmes-nous pris place que l'on nous apporta de grands bassins d'argent avec des narguilés élégants et que l'on nous invita à fumer. Nous refusâmes cette haute jouissance et le prince fuma seul. Il ne tirait que quelques bouffées du même narguilé. Un autre, plus beau, remplaçait toujours celui dont il venait de se servir. La conduite du prince fut pleine de noblesse et d'empressement. Il était seulement fâcheux que nous ne pussions nous entretenir qu'à l'aide d'un interprète. Il me fit demander si j'avais vu exécuter un natch, danse de fête. Sur ma réponse négative, il donna les ordres nécessaires pour me faire jouir de ce spectacle. Au bout d'une demi-heure, parurent deux danseuses, des Vedasi et trois musiciens. Les danseuses étaient vêtues en mousseline de couleur brodée d'or, portaient de larges pantalons en tissu de soie brochés d'or qui descendaient jusqu'à terre et qui couvraient leurs pieds non chaussés. L'un des musiciens frappait sur deux tambourins. Les deux autres raclaient des instruments à quatre cordes semblables à nos violons. Ils se tenaient derrière les danseuses et jouaient sans aucune mélodie. Les danseuses faisaient des mouvements très vifs avec les bras, les mains et les doigts, mais moins avec les pieds. À ces derniers étaient attachés des grelots d'argent qu'elles faisaient résonner de temps à autre. Elles savaient prendre de belles poses et se draper de la manière la plus gracieuse avec leurs robes de dessous. Cette représentation dura à peu près un quart d'heure. Ensuite, elles accompagnèrent la danse de chants. Mais les deux sylphides poussèrent des cris si stridents que je finis par trembler pour mes oreilles et pour mes nerfs. Pendant la représentation, on nous offrit des bonbons, des fruits et des sorbets. Quand la danse fut achevée, le prince me fit demander si je désirais voir son jardin, éloigné d'un mille du palais. Je fus assez indiscrète pour accepter encore cette proposition. Accompagnée du jeune prince, nous nous rendîmes devant la grande place du palais où des éléphants bien parés nous attendaient. La monture favorite du prince aîné, d'une grosseur et d'une beauté rares, était préparée pour moi et pour Monsieur Lo. Une housse écarlate avec houppe, franges et bordures d'or couvrait presque toute la bête. Sur le large dos de l'éléphant, on avait dressé un siège commode que je comparerai à un phaéton sans roues. L'éléphant se coucha par terre. On appuya contre lui une large échelle et Monsieur Lo et moi, nous nous assîmes sur cette masse énorme. Derrière nous était placé un serviteur chargé de tenir au-dessus de nos têtes un grand parasol. Le cornac était assis sur le cou de l'éléphant et le piquait de temps en temps entre les oreilles avec une baguette de fer pointu. Le jeune prince, les hommes de sa suite et ses serviteurs prirent place sur les autres éléphants. Quelques officiers à cheval se tenaient à nos côtés. Deux soldats, le sabre nu, ouvraient la tête du cortège pour faire place, et plus d'une demi-douzaine de soldats, également le sabre nu, nous entouraient. Quelques cavaliers fermaient la marche. Quoique le pas de l'éléphant produise des secousses aussi peu agréables que celui du chameau, cette partie vraiment indienne me causa cependant un plaisir infini. Arrivés au terme de notre course, le regard orgueilleux du prince parut nous demander si nous n'étions pas enchantés de la magnificence du jardin. Mais hélas, notre enchantement ne fut que simulé, car le jardin était par trop simple pour mériter beaucoup d'éloges. Au fond se trouvait un palais d'été royal qui commençait à tomber en ruine. Au moment où nous allions quitter cette résidence, les jardiniers nous apportèrent de beaux bouquets de fleurs et des fruits délicieux suivant la coutume établie dans toute l'Inde. En dehors du jardin, il y a un très grand bassin d'eau revêtu de belles pierres de taille. De larges escaliers conduisent à l'étang et au coin sont de superbes kiosques avec des bas-reliefs assez bien sculptés. Le Raja de Bénarès reçoit du gouvernement anglais une pension annuelle d'un lac, c'est-à-dire de 100 000 roupies. Note, un lac vaut au père 253 238 francs. Il retire pareille somme de ses terres, ce qui ne l'empêche pas d'être criblé de dettes. Les causes en sont le grand luxe de toilettes et de parures, le nombre des femmes, la qualité de domestiques, de chevaux, de chameaux, d'éléphants, etc. On me raconta que ce prince avait 40 femmes, environ 1000 serviteurs et soldats, 100 chevaux, 50 chameaux et 20 éléphants. Le lendemain, le Raja fit demander comment je m'étais trouvée de ma promenade et on m'envoya par la même occasion de la pâtisserie, des bonbons et les fruits les plus exquis, parmi lesquels il y avait du raisin et des pommes de grenade qui, dans cette saison, comptent parmi les raretés. On les fait venir de Kaboul, éloigné de Bénarès d'environ 700 milles. Pour terminer le récit de cette visite, j'ajouterai que depuis bien des années, il n'est mort personne dans le palais habité par le Raja. Voici la raison que j'en donne. Un des maîtres de ce palais demanda un jour à un brahmane ce que deviendrait l'âme de celui qui mourrait dans le palais. Le brahmane répondit qu'elle irait au ciel. Le Raja, ayant répété 99 fois la même question, reçut toujours la même réponse. Mais la centième fois, le brahmane perdit patience et répondit qu'elle entrerait dans un âne. À partir de ce moment, chacun, depuis le prince jusqu'au dernier serviteur, fuit le palais dès qu'il se sent indisposé. Personne ne veut continuer après sa mort le rôle dans lequel il a peut-être débuté en maître pendant sa vie. J'eus à Bénarès deux occasions de voir parmi les fakirs, sorte de prêtres indiens, de prétendus martyrs qui s'imposent les tourments les plus variés. Ils se font enfoncer un crochet de fer dans la chair et hisser jusqu'à une hauteur de 6 à 7 mètres. Ils restent plusieurs heures en équilibre sur un seul pied, en tenant en même temps les bras tendus. Ou bien ils portent de pesants fardeaux dans différentes postures, tournent sur eux-mêmes pendant des heures, se déchirent le corps, etc. Souvent, ils se soumettent à des tourments si affreux qu'ils succombent au bout de peu de temps. Ces martyrs sont encore assez vénérés par le peuple. Cependant, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Un des deux que j'aperçus tenait au-dessus de sa tête une houe pesante et avait adopté la posture courbée d'un ouvrier qui fend du bois. Je l'observai pendant plus d'un quart d'heure. Il demeura dans la même attitude, aussi immobile que s'il eût été transformé en une statue de pierre. Il y avait probablement des années qu'il se livrait à cette occupation utile. L'autre tenait la pointe de son pied contre son nez. Une autre sorte de fakir s'impose la pénitence de ne prendre que très peu de nourriture et seulement la plus dégoûtante. De la chair de bête morte, des légumes à moitié pourris, des immondices de tout genre, même de la vase et de la terre. Ils disent que ce qu'on introduit dans son estomac est chose indifférente. Les fakirs vont presque tout à fait nus, se couvrent tout le corps, sans excepter le visage, de fientes de vache et mettent ensuite de la cendre par-dessus. Ils peignent sur leur poitrine et sur leur front les emblèmes de Shiva et de Vishnu. Ils teignent en brun rouge foncé leur chevelure hérissée. On ne peut guère rien voir de plus hideux et de plus dégoûtant que les membres de cette secte. Ils courent par toutes les rues et prêchent sans cesse ce qui leur passe par la tête. Mais ils sont bien loin de jouir de la même considération que les martyrs. Un des messieurs dont j'avais fait la connaissance à Bénarès eut la bonté de me communiquer quelques observations sur les rapports du paysan avec le gouvernement. Le paysan n'a pas la propriété du sol, il n'est que fermier. Le sol appartient au gouvernement anglais, à la Compagnie des Indes orientales ou bien aux princes indigènes. Les terres sont affermées en gros. Les principaux fermiers les démembrent en petites portions qu'ils cèdent aux paysans. Le sort de ce dernier dépend tout à fait de la bonté ou de la dureté du fermier principal. C'est lui qui fixe le prix du fermage. Il en réclame souvent le loyer dans un temps où la récolte n'est pas encore faite et où le paysan n'est pas en état de payer. Le pauvre homme se trouve alors forcé de vendre sa récolte sur pied et à moitié prix avant qu'elle soit mûre. Et d'ordinaire, le fermier s'arrange pour en devenir acquéreur au moyen d'un prête-nom. Le malheureux paysan garde à peine de quoi soutenir sa vie et celle de sa famille. Il y a bien des lois et des juges dans le pays, et comme je l'entendais dire de toutes parts, les lois sont bonnes et les juges sont justes. Mais la question est de savoir si le pauvre arrive toujours jusqu'au juge. Les districts sont grands. Le paysan ne peut pas entreprendre un voyage de 70 à 80 milles, et quelquefois davantage. Lors même qu'il demeure dans le voisinage, il ne parvient pas toujours jusqu'au siège du juge. Les affaires sont si nombreuses que le juge lui-même ne peut pas entrer dans tous les détails. D'ordinaire, il est le seul Européen qui fasse partie du tribunal. Ses assesseurs se composent d'hindous ou de mahométans dont le caractère, c'est triste à dire, s'avilit chaque jour de plus en plus dans le commerce des Européens. Aussi, quand le paysan approche du tribunal sans apporter un cadeau, il est ordinairement repoussé. Sa requête ou sa plainte n'est pas admise, ni même entendue. Et où le malheureux dépouillé par le fermier prendrait-il ce cadeau? Le paysan requiert donc rarement l'assistance du juge. Un Anglais, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui a visité l'Inde en savant observateur, a démontré qu'aujourd'hui, les paysans sont soumis à de plus lourdes charges qu'autrefois sous leurs princes indigènes. J'arrivais à l'affligeante conviction que, sous le gouvernement libéral des Anglais, la position de l'esclave au Brésil est préférable à celle du paysan libre de l'Inde. L'esclave brésilien n'a point à s'occuper de ses besoins matériels et on ne l'écrase jamais de travail. C'est l'intérêt du maître qui en souffrirait le plus, car l'esclave coûte 700 ou 800 florins, 1750 à 2000 francs. Aussi le propriétaire trouve-t-il son avantage à le bien traiter pour le conserver le plus longtemps possible. Certainement, il arrive aussi que quelques maîtres usent de tyrannie envers leurs esclaves, mais ce sont des cas excessivement rares. Les environs de Bénarès sont le séjour de plusieurs missionnaires allemands et anglais qui viennent souvent à la ville pour y prêcher. Un de leurs établissements renferme même un petit village chrétien qui compte quelques 20 familles indiennes. Cependant, la religion chrétienne ne se propage pas beaucoup dans ce pays. Note : l'horreur des Indiens pour les Européens provient en grande partie de ce que ces derniers ne respectent pas les vaches, mangent du bœuf, boivent de l'eau de vie, crachent dans les maisons et même dans les temples et se lavent la bouche avec les doigts. Ils appellent les Européens « Paranji ». C'est ce mépris qui rend la religion chrétienne odieuse aux hindous. Je m'informais avec empressement auprès de chaque missionnaire du nombre des hindous ou mahométans qu'il avait baptisés dans le cours de sa mission. La réponse ordinaire était « pas un » ou tout au plus « un seul ». Les quelques familles qui se font baptiser datent de l'an 1831, époque où toute l'Inde était ravagée par le choléra, la fièvre typhoïde et la famine. La mortalité était effrayante et beaucoup d'enfants restés orphelins erraient sans asile. Les missionnaires recueillirent ces malheureux et les élevèrent dans la religion chrétienne. On leur apprit divers métiers, on leur donna des demeures, on les maria et on s'occupa encore aujourd'hui de leur entretien. Les descendants de ces familles sont constamment instruits et surveillés de près par les missionnaires. Mais malheureusement, le nombre de ces néophytes n'augmente pas. J'assistais à quelques épreuves. Les garçons et les filles savaient assez bien lire, écrire, calculer, avaient des notions de géographie, d'histoire et de religion. Les filles faisaient de belles broderies. Elles tricotaient et cousaient bien. Les garçons et les hommes confectionnaient des tapis, faisaient des travaux de menuiserie, reliaient, imprimaient, etc. le directeur et le professeur de ce bel établissement est le missionnaire M. Luitpold. Sa femme a la direction des filles. Tout est organisé et conduit avec beaucoup de sens et d'une manière très ingénieuse. M. et Mme Luitpold s'intéressent à leurs élèves avec une véritable charité chrétienne. Mais que sont quelques gouttes d'eau dans l'immensité de l'océan ? Fin du chapitre 12.